Aïe, aïe, aïe, aïe. Sur 88.1 Cayenne et 91.5 Saint-Laurent. Mosaïque FM vous offre le meilleur de la musique. C'est que du bonheur. Bonne journée sur Mosaïque FM. 88.1 Cayenne et 91.5 Saint-Laurent. Bonne journée sur Mosaïque FM. Vous écoutez Mosaïque FM sur 88.1 Cayenne, 91.5 Saint-Laurent. Et sur Mosaïque FM Guyane.fr. Lorsque vous entendez cette musique là, eh bien, c'est l'arrivée de Couleur Matinale. Du lundi au vendredi, après le journal de Radio Caraïbes. Que vous soyez à la maison ou au travail, il vous accompagne durant toute la matinée. C'est Couleur Matinale. Couleur Matinale. Votre émission en trois parties. Libre Tribune en nous palais. Je pense encore à toi. J'ai fait des cauchemars entourés de tes bras. Peu importe la valeur de tes mots, c'est qu'à la fin que j'ai vu tes défauts. Il faut que ça cesse. On ne pourra plus revenir en arrière. Ma douleur se manifeste. Tu peux aller te faire. Avec toi, c'est la guerre tout le temps. Je me vois sombrer lentement. Ne me dis pas. Ne le dis pas. Avec toi, c'est la guerre tout le temps. Je me vois sombrer lentement. Ne me dis pas que tu m'aimes encore. Ne le dis pas. Mosaïque FM sur 88.1 Cayenne, 91.5 Saint-Laurent et sur Mosaïque FM Guyane.fr. Quand on travaille à son compte, libéral, indépendant ou entrepreneur, on entend souvent: j'ai envoyé un mail de relance la semaine dernière. Mais quand il s'agit de santé mentale, il est temps de pouvoir parler santé mentale. En se confiant à ses pairs, à un médecin ou en consultant les services de santé dédiés, on améliore sa qualité de vie au travail. Et ça fait du bien. Parlons santé mentale. Plus d'informations sur santémentale.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Les passagers à destination des petits prix sont priés de se rendre au plus bel price le plus proche. En ce moment et jusqu'au 14 juillet, la poitrine à griller surgelée 1 kg, origine Espagne, est à seulement 6,95€. Oui, seulement 6,95€ le kilo de poitrine de porc à griller. Alors rendez-vous chez Plus Bel Price. Plus Bel Price, partenaire Intermarché, le moins cher. Mangez-bouger.fr. Vous écoutez Mosaïque FM sur 88.1 Cayenne, 91.5 Saint-Laurent. Et sur Mosaïque FM Guyane.fr. Du 2 au 20 juillet, c'est l'heure des grillades chez Megastock. Les travers de porc origine Danemark sont à 5,99€ le kilo. Oui, 5,99€ le kilo pour des travers de porc savoureux à partager sans modération. Le bon plan gourmand des vacances. Megastock, mon club entrepôt. Pour votre santé, bougez plus. Vous êtes à Matoury, découvrez l'entreprise Ismaël. Un seul endroit, des services multiples pour vous simplifier la vie. Alimentation générale, quincaillerie, outillage, transfert d'argent vers Haïti, la République Dominicaine, le Brésil et bien d'autres pays via Global Transfer, dépôt et retrait avec la carte Nickel, paiement de vos factures, impôts, hôpitaux et amendes. C'est aussi service gratuit chez Galilée. Organisez vos événements sans stress. Location de salles, tables et chaises pour mariage, baptême, communion, anniversaire et bien plus encore. Et pour les amateurs de jeux, participez aux jeux de hasard avec la Française des Jeux, FDJ et PMU. Rendez-vous au 1390 rue des Champs des Cannes, Cognola Mirande, 97351 Matoury. Appelez au 06 94 40 38 05 ou 05 94 21 99 58. L'entreprise Ismaël. L'adresse qui répond à tous vos besoins avec sérieux et sourire. Les passagers à destination des petits prix sont priés de se rendre au plus bel price le plus proche. Ce moment est jusqu'au 14 juillet. Le paquet de 20 saucisses cuites fumées de 700 grammes, origine France, est à seulement 3,35€, soit 4,79€ le kilo. Oui, seulement 3,35€ les 20 saucisses cuites fumées. Alors rendez-vous au rayon frais de tous vos Plus Bel Price. Plus Bel Price, partenaire Intermarché, le moins cher. Mangez-bouger.fr. Vous écoutez Mosaïque FM sur 88.1 Cayenne, 91.5 Saint-Laurent. Et sur mosaïquefmguyane.fr.